nous resserre les coudes. On aimerait bien être tranquille pour envoyer nos messages inutiles. On floude, être sur forum ça nous soude. On va flouder à travers les âges et on va voir des millions de messages. On floude, Max Murdoch et Benny sont les trois pros en la matière. Il y en a que ça désespère. On floude, la la la la la la.